veux qu'elle m'enlace, qu'elle me mette la main aux fesses. Je veux qu'elle vénère le sortilège, le privilège de m'être intime. Je veux qu'elle espère être toujours ma victime. Et si seulement j'étais l'objet de son culte, j'aurais pour châtiment de la séduire de vos putes. Elle qui ne soupçonne pas que je dévore sa beauté dans un endroit discret. Quand je l'imagine dans mes draps, elle qui chaque jour davantage fait de moi le plus brûlant de ses otages. Je veux qu'elle égrène chaque seconde pour mieux me posséder. Je veux qu'elle parraine mon entrée dans ses secrets. Et si seulement il se pouvait qu'elle aime, que le corps se joigne en fait la fin de mon carême. Elle qui ne soupçonne pas que je dévore sa beauté dans un endroit discret. Quand je l'imagine dans mes draps, elle qui chaque jour davantage fait de moi le plus brûlant de ses otages. Je veux qu'elle se serve de moi écrire ses plus belles pages. Je veux qu'elle s'énerve si mon dédain la décourage. Je veux qu'elle s'émeuve d'un rien, que ma présence soit ses dimanches. Je veux qu'elle innove, que ses bonnes fées sur moi se penchent. Et si seulement il se pouvait qu'elle sache que je serais si content qu'elle m'épuise sans relâche. Elle qui ne soupçonne pas que je dévore sa beauté dans un endroit discret. Quand je l'imagine dans mes draps, elle qui chaque jour davantage fait de moi le plus brûlant de ses otages.